Les passants, passants, j'y passe mon temps à l'erreur des pensées. Leurs bras brossés dans leur corps blessé. Leur passé, c'est de vol dans les pas, sans se soucier. Que suspicieuse à la fuse, j'aperçois le jour de bombe. Le visage d'un de masque me fait l'effet opinion. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Le vent ne fait que de fait, l'effet de que l'effet s'arrête à sa capacité de prendre l'effet tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'automne déjà, c'était l'été hier encore. L'automne est sur point, semble s'accélérer. Le chiffre de mon âge m'a réversé, moi, rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. J'avale le bébé, le bébé, le bébé, le chaque jour je mange les jeunes, mais dans la direction à suivre. Sur ces choses, c'est moi à changer qui m'empêche d'être libre. Le bois se livre, s'expose dans les vitres, nous mon âme fonde. Le corps qui danse en osmose, glisse, trompe, se confond et s'attire irrésistiblement. Par les tombes, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne une vie d'esprit, mélodie. Soit faite de nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera.